yeux ne manquent pas de charme, mais je préfère le plaisir, les joies, les larmes de notre terre. Les bons vers les yeux brillants des jolies femmes. La vie c'est plus pétillant que les champagnes. La haute hydroaco que la paume, mais c'est le diable. Mais le vieux plancher des hommes, c'est formidable. Et j'ai dans l'éternité son silence pour un pauvre jour d'été de mes vacances. C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour, d'aimer la nuit, d'aimer les jours, et de penser que c'est trop court, bien trop court. J'ai envie de rattraper le temps qui court, de vivre à fond, de vivre pour aimer la vie, aimer l'amour. La vie c'est l'éternel miracle, la seule chance. Chaque jour le grand spectacle qui recommence. J'applaudis, je dis chapeau au grand artiste qui dessine les tableaux où tu existes. Les bons vins, les yeux brillants des jolies femmes. La vie c'est plus pétillant que les champagnes. C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour, d'aimer la nuit, d'aimer les jours, et de penser que c'est trop court, bien trop court. J'ai envie de rattraper le temps qui court, de vivre à fond, de vivre pour aimer la vie, aimer l'amour. C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour, d'aimer la nuit, d'aimer les jours, et de penser que c'est trop court, bien trop court. Rattraper le temps qui court, les vivre à fond.